Paire de gars, le show de radio. Voici Max Lalonde et Étienne Dano. Et oui, déjà une autre édition de l'émission Affaires de gars, tellement content de vous retrouver encore une fois. Je m'appelle Max Lalonde, toujours en compagnie d'Étienne Dano. Étienne, bonjour d'un. Ben oui, je suis là, je suis présent. Non, je suis abasourdi par la technologie parce que c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Ouais. Puis, comment ça fonctionne, c'est Maxime. Oui, il y a juste ta mère qui t'appelle Maxime. Oui. C'est Max qui s'occupe de la console. Et je suis toujours intrigué quand je regarde les pitons avec la console. Puis, je me rappelle, moi, dans le temps, je faisais de la radio étudiante au cégep. Les cartouches. Ouais, c'était juste des pitons. Puis, on était fous comme la merde d'avoir un lecteur CD. Et là, aujourd'hui, tout est informatisé. Ah, absolument. Ouais, puis en fait, tu pourrais quasiment être remplacé par une machine, Max. Absolument, ouais, ça va arriver. Un jour, ça va arriver. De toute façon, à la radio, on remplace de plus en plus les animateurs par des blogs de 7 heures de chansons. On continue. Mais ça, c'est un autre dossier. Ça, c'est un autre dossier. Mais c'était juste pour plugger notre sujet d'aujourd'hui. On va parler techno, ça va être bien, bien le fun. Bienvenue dans l'émission Affaires de gars. On vous le rappelle sur affairesdegas.com. Toutes nos émissions passées sont là. On a reçu du monde vraiment trippant. Et celui qu'on reçoit aujourd'hui, c'est un jeune entrepreneur. Et le plus gros défi de l'émission, Max, c'est prononcer son nom de famille. Oui, Jordan Archinov Foss. C'est un gars qui, avec un partenaire d'affaires, a lancé la compagnie Expedigo. On va vous en parler tantôt. C'est un peu le Uber de la livraison, mais on voulait mettre la table et parler de technologie cette semaine parce que on est confronté à la technologie, on est confronté à ça, on est confronté politiquement, et le meilleur exemple, c'est Uber versus les taxis. Il a fallu que le gouvernement saute dans patente. Ouais, Netflix. Airbnb. Le commerce de proximité. Maintenant, on peut tout faire sur notre téléphone. On peut déposer des chèques sur notre téléphone. On n'a même plus besoin d'aller à la caisse. Donc, on est en train de couper dans plusieurs services qu'on pourrait avoir. Et même à l'épicerie, maintenant, il y a des caisses automatiques où tu vas scanner toi-même tes tomates, tes oranges, ta relish. Ouais. C'est rendu loin, là. Non, mais c'est parfait. Mais en même temps, souvent les gens, quand la technologie, je me souviens, moi, la technologie qui a chambranlé beaucoup mes grands-parents ou mes oncles, mes tantes qui étaient plus vieux, c'était le guichet automatique. Ah oui! Parce que moi, je me souviens de mes oncles qui disaient, « Ben là, il n'y aura plus personne qui va travailler, ça fait perdre des jobs. » Ça fait perdre des jobs. C'est ça qu'ils se sont dit aussi quand ils ont inventé les usines comme le système d'Henry Ford. Mais non, ça fait pas perdre des jobs, ça en a créé des nouvelles. Absolument. C'est là qu'il faut s'adapter. Et moi, je me rappelle, mes oncles disaient ça début des années 90. On est rendu à la fin des années 2010. Ouais. Puis, il y a encore des banques ouvertes. Et c'est sûr qu'il y a certaines heures qui ont été restreintes, mais il y a encore plein d'employés. Puis, ça l'a pas enlevé déjà. Tu sais, la technologie a ce bon côté-là d'améliorer, de faciliter nos vies. C'est sûr que pour la génération qui est un peu plus vieille, ils sont confrontés à ça, là. Se commander de la bouffe par téléphone, ça arrive chez vous, déposer des chèques, tout ils se sont un peu abasourdis, tout ça. Il y en a qui le font très, très bien. Il y a des grands-parents qui sont sur Facebook puis ils font leurs affaires. Mais quand t'as pas vécu ça, quand toi, avant, tu voulais faire l'épicerie, aujourd'hui, tu peux le faire livrer. Tu vas sur l'application Métro, tu choisis ce que tu veux, ils viennent te le porter chez vous. On est beaucoup, beaucoup là-dedans. Et tantôt, en ouverture, je parlais des taxis versus Uber. Les vieux modèles qui se sont un peu enlisés dans leur vieille façon de faire, sont pris avec ça aujourd'hui. Oui, oui. Puis, je sais pas c'est quoi ton rapport avec la technologie, mais moi, le plus de temps dans la vie que je vais sauver, le mieux ça va être. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et un autre exemple, Max, de compagnie qui s'est fait avoir un peu par la rapidité de la technologie, c'est BlackBerry. Oui, oui. BlackBerry, les autres, ils ont eu de la misère à suivre le puck, là. Puis là, tous les hommes d'affaires avaient un BlackBerry. Ouais, là, c'était important quand même. Oui, c'était, excusez-moi l'anglicisme, c'était the shit, la BlackBerry. Puis là, un moment donné, du jour au lendemain, ben là, il y a eu les Samsung, il y a eu les Android, il y a eu les iPhone, puis BlackBerry a fait, non, nous autres, on a notre clientèle, mais à un moment donné, leur clientèle, entre guillemets, a allumé. Puis ils ont arrêté de suivre, puis oublie ça aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est drôle parce que on parle de ces téléphones-là qui sont la base de la technologie d'aujourd'hui, parce que ce que toutes les compagnies essaient de faire, c'est de réduire des activités à le faire de ton téléphone. Je sais pas si c'est encore une ligne dure à la maison. Moi, ça fait des années que j'ai plus ça. Non. Moi, ça fait des années que j'ai plus ça. J'étais à veille de canceller la télé chez nous parce que j'ai accès à tout ça sur Internet. Tout ce que je veux regarder, je veux le faire sur Internet. Hey, tu parles de téléphone, tu viens de me faire allumer. Quand j'appelle mon père, puis c'est occupé, me souviens plus que occupé existe. C'est vrai. Tu comprends? Ah, ouais. Mon père, il a une ligne dure. Il n'y a pas deux lignes. Puis t'appelles. Dans le titre, dans le sable. Là, je fais. Hey, je pense que je me suis trompé de numéro de téléphone. Non, c'était occupé pour vrai. Écoute, nos parents sont tellement drôles avec la technologie. Je me rappelle, à un moment donné, j'initie mon père à Twango. Parce que là, il y a beaucoup de sites maintenant qui te proposent des rabais. Puis mon père, comme moi, maniaque de golf, veut jouer beaucoup au golf. Puis là, il veut se commander des trucs sur Twango. Fait que là, il me demande où je prends mes affaires. Fait que là, j'y envoie des offres Twango de golf. Fait que là, il n'achète une. Il remplit son profil, remplit son Twango. Puis tout. Fait que là, il m'appelle et dit « Ouais, là, je viens d'acheter des games de golf à Tremblant. » Je fais « Ouais, c'est ça. » Fait que c'est ça, là. Fait que là, ils vont m'envoyer ça bientôt. Puis quand je vais les avoir, je te le dirai, là, puis on planifiera ça. Ben, Pat, t'es ça sûrement déjà. On était ça déjà. Mais comment ça, je les ai déjà? Ça se peut pas, je viens de les acheter. Ben oui, mais ils t'ont envoyé ça par email. Ils ont envoyé ça par email. Ben oui, envoyé ça par email. C'est juste Je pensais qu'ils m'envoyaient ça dans la boîte à mal. Lui, ben il était convaincu que mais toi. Mais si t'achètes, sur Twango, tu peux acheter un objet. Ben oui. Là, tu vas le recevoir par courrier. Ouais, mais lui, il était convaincu. Pas des coupons de golf. Là, j'y ai montré qu'il recevait ça dans ses emails. Puis, tu sais, puis là, il était un peu pris dans tout ça. Quand j'y ai montré, on était en voyage de golf ensemble à Myrtle Beach. Quand j'y ai montré comment Uber fonctionne, là, tu vois le gars. Ah ouais, je voyais où. Puis là, tu sais c'est qui. Ouais, comment ça, tu sais c'est qui? Ouais, parce que le gars, il a son profil, puis il est enregistré, puis tout ça. Mais... Puis là, on sort, puis il me dit « Ouais, mais t'as même pas payé. » Mais non, pas besoin de payer ma carte de crédit dans mon application, puis il me bill direct. « Ouais, mais comment il fait pour savoir que c'est toi? » Tu sais, c'est drôle, c'est ce... Nous autres aussi, on a de la misère à suivre. Ben, absolument. Moi, je vais te donner un exemple que je me sens vieux. Moi, j'ai de la misère à acheter du linge en ligne. À cause des grands-parents. Plein de choses en ligne, mais là, le linge me fait... En fait, je sais que je peux le retourner. Ouais. Je pense que je suis plus paresseux de faire « Ah, va falloir que je le retourne. » Que je le remballe. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, quand tu viens à connaître tes grandeurs d'une compagnie, là, tu peux le faire puis ça va quand même bien. Mais c'est fou parce que ça se développe vite. Puis, tu sais, là, 2017, début 2018, j'ai hâte de voir, mettons, dans 20 ans, on va être rendu où? Tu sais, l'iPhone 20 va avoir l'air de quoi? Tu vas pouvoir faire quoi avec? Ouais. L'iPhone 10, c'est débarre avec ta face. C'est reconnaissance faciale. Tu regardes la caméra, c'est vrai, ton téléphone. Je sais même pas. C'est reconnaissance faciale maintenant. iPhone X. L'iPhone X. Là, tu le regardes, puis là, c'est toute ta face, c'est ta grosse face, c'est parfait, il débarre. Maintenant, les téléphones, tu n'as même plus besoin de les charger. La majorité ont des stations de charge. Tu déposes le téléphone sur la station de charge. Puis ils chargent. Ouais. Tu sais, c'est fou de s'envoyer des photos. Moi, La communauté qu'Apple a bâtie de je suis partout dans le monde, je t'envoie un texto. Si t'es sur Apple, c'est pas un texto, je paye pas 2,75$, je t'envoie un message. Ouais. C'est malade. Puis l'argent? Oui. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Là. PayPal. Le nombre de compagnies qui ont fait de l'argent à cause de la technologie, qui sont devenus millionnaires, multimilliardaires, le classique en ayant commencé dans un garage. Oui, dans un garage. Hein? Mais ça a créé des jobs. Tu sais, regarde aujourd'hui, là, va sur un site de jobs d'offres d'emploi, le job boom, peu importe, le nombre de jobs gestionnaires de communauté. Ça n'existait pas avant, ça. Les gestionnaires de communauté s'est même rendu des cours à l'université pour éventuellement faire ça où on t'enseigne Facebook, Twitter, LinkedIn. On est quasiment en retard même. En mettant ça sur pied, ça crée des jobs. Fait que dans toutes les bonnes entreprises aujourd'hui, il y a un gars ou une fille que sa job le matin, c'est de programmer des posts Facebook, de faire de la promo Facebook. Pas juste le matin, il y en a qui s'est... J'étais allé manger à la cage au sport, puis il était 9h30 le soir, j'ai mis un tweet... concernant le restaurant où j'étais, ça a pris 2 secondes et il y a quelqu'un qui m'a répondu. Je sais que c'est pas quelqu'un qui travaille à la cage où je suis en ce moment, mais c'est quelqu'un qui est engagé. C'est une job à temps plein. C'est sûr. Surtout pour des compagnies que, je sais pas moi, ça peut être des gens qui font des spectacles qui se couchent tard. Absolument. Ça peut être des bars, des restaurants, comme je te dis. Mais je veux te parler, Max, d'un gars, un des premiers à être devenu millionnaire avec vraiment une idée niaiseuse sur le web. ça me met en colique. Attends, ça te met en colique parce que t'as pas eu l'idée. C'est ça, c'est en plein exactement. Ça. Peut-être que tu connais ça, ça s'appelle The Million Dollar Homepage. C'est-tu le gars qui est changé un trombone pour sa maison? Non, pas lui. Non, c'est un gars qui se connaissait un peu en informatique, OK? Il s'appelle Alex Tew, ça se passe en 2005, comme je te dis, c'est une couple d'années. C'est en Angleterre, puis lui, il voulait ramasser de l'argent pour ses études supérieures, bien sûr, dans quel domaine? En informatique. Exactement. Et il a dit, je vais faire une page d'accueil, OK? C'est juste une page d'accueil, là. Son site web, il n'y a pas de plusieurs différentes pages, là. C'est une page d'accueil. That's it, that's all. Il l'a fait 1000 pixels par 1000 pixels. OK. C'est 1000 fois 1000, 1 million. Ouais. Il a vendu chaque pixel une pièce. Hein? Ouais, comme espace publicitaire. Alors, fait que si tu étais une compagnie, tu pouvais acheter, mettons, 10 pixels, 10 piastres, puis là, tu peux écrire, et il y avait l'URL en cliquant. Ouais. Fait que, mettons, tu as des sites de pornographiques, tu as des sites de compagnies de voitures, tu en as qui ont juste acheté pour écrire une niaiserie, comme un graffiti, un jeune Nicole, mettons, puis là, tu as l'URL que tu peux cliquer. Il y en a même qui ont vendu leur URL à d'autres plus chers. Ouais. Et son idée est devenue tellement populaire qu'il a réussi à les vendre. Il a réussi à vendre 1 million de pixels à une pièce chaque et il s'est fait 1 million de dollars. La page Internet, il a coûté genre 600 pièces à créer. Ah, j'étais curieux. Mais t'iras voir, c'est un peu laid. J'invite les auditeurs à aller voir. C'est un peu laid. C'est pas dur. Tapez dans Google « The Million Dollar Homepage ». OK. Puis... Mais tu sais, j'ai rien à savoir cette idée-là. Écoute, il y a un gars qui vient d'être acheté par Airbnb il y a un an à peu près, qui avait le site Luxury Homes. Airbnb l'a acheté 300 millions. C'était quoi, un kit de Montréal. Lui, il gérait, c'était comme Airbnb. Mais lui, sur ses inscriptions, il avait déjà, dans le fond, des maisons de luxe de Montréal. Il faisait le même service qu'Airbnb, mais pour une vingtaine de maisons de luxe de Montréal. Okay. Puis lui, c'était juste... Non, mais c'est une autre clientèle dans un sens. Là. Une autre clientèle. Là, OK. Puis là... Il a parti ça, il a coûté une couple de dizaines de milliers de dollars, de la gestion, ben du temps. Mané, il a reçu un appel d'Airbnb, puis ça a dit « Salut, on aimerait savoir ton site. » Il dit « 300 millions. » Transaction de 300 millions, il y a 24 ans, maintenant, il travaille encore pour eux autres comme consultant. Tu me niaises. Ça n'a pas de sens. Tu me niaises. Ça n'a pas de sens, tu sais. 300 millions. Snapchat, OK? Ouais. Les deux gars qui ont fondé Snapchat, Mark Zuckerberg a voulu les acheter. Ouais. Il est allé les voir, il a dit, moi, Snapchat, ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, les gens qui ont 35 ans et plus, c'est l'application qui t'envoie des photos et qui disparaissent après 7 ou 8 secondes. Ouais. Mark Zuckerberg a offert 4 milliards. 4 milliards. On est rendu là, tu t'en fous. Au gars de Snapchat, ils ont dit non, ça vaut plus cher que ça. Ça vaut plus cher que ça. Ça vaut plus cher que 4 milliards, c'est pas quoi, assez. Tu vas avoir trois pays en plus. C'est ça. Je sais pas ce qu'ils voulaient. Mais tu connais-tu les gars de Twitch? Ah, mais les gars, ça c'est fou raide, là. Les gars de Twitch, eux autres, sont fait acheter par Amazon. Twitch. Ah. Attends, on va expliquer c'est quoi Twitch. C'est le système de jeux vidéo en ligne, genre. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu peux regarder. C'est comme un YouTube de personnes qui jouent à des jeux vidéo. Moi, ça me fascine, ça. Ça me fascine. Je le sais, moi-même. Ma blonde me disait cette semaine qu'il y a un kid sur YouTube qui fait 6 millions par année en déballant des cadeaux puis il met ça sur YouTube. Oui, oui, c'est un Asiatique, je l'ai déjà vu. Puis c'est un kid, là. Il y a genre 4-5 ans. Là. C'est pas genre un ado. Là. C'est sûr. Mais les gars de Twitch, juste pour finir le point, 900 millions qui ont vendu à Amazon. Les gars étaient à l'université, je pense, dans le fond de la main, il y avait 20-21 ans. 900 millions. Twitch. Puis le pire, c'est que demande dans ton entourage à 10 personnes normales, c'est quoi Twitch? Il y a peut-être un sur les 10 qui va être capable de te répondre. Tu sais, ceux qui aiment ça, ils aiment ça solide. Les gens qui aiment ça, ils aiment ça vraiment, mais vraiment solidement. Là. Attends, on va faire nos mononcles dépassant encore plus. Les joueurs de jeux vidéo sur Twitch se font donner des subventions, des dons par des fans. Admettons, moi, je trippe bien raide sur Doom. Okay, là, j'ai nommé un vieux jeu là, que moi, je connais. Puis, je fais, hey, je suis pas capable de dépasser tel niveau. Ben, y a des gars, c'est des champions. Ils vont dire, pas de trouble, mon chum. Moi, je te fais un don de 100$. Dis-moi qu'on va passer le niveau 8. Oh. Puis là, lui, il fait le niveau 8 devant toi. Puis là, tu peux le chatter avec. Mon gars, on est ailleurs. Je sais qu'on est ailleurs, tu sais, juste le petit Asiatique là, qui déballe des cadeaux. Là. Ouais. N'importe qui peut en déballer des fucking cadeaux, c'est ça? En fait, ils ont eu l'idée. Je sais. Ils ont eu l'idée. Je sais, puis le marketing alentour de ça est vraiment exceptionnel. Puis tu sais, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que ça va vite. On n'est pas toujours capable de suivre un peu comment ça va, comment ça se passe. Tu sais, les ordinateurs, t'achètes un ordinateur, 2 ans après, t'es plus à mode, fini, oublie ça. Ouais, je sais. Nos téléphones, ils nous ont eu ben raide, t'as un iPhone 7 Plus, je suis content, j'ai un iPhone 7 Plus. OK, on sort le 8 puis le 10, shit! Ouais, c'est ça. Là, je veux, là, qu'il y a la reconnaissance faciale dans l'autre. Tu sais, Ils font exprès. Ah, absolument. Puis avec les mises à jour en plus. On est accroché à ça. Puis j'ai hâte d'en parler avec Jordan tantôt parce que eux autres, ce qu'ils ont mis sur pied, c'est un système de rapidité pour livrer dans des grands centres. Montréal, Toronto, ces affaires-là. Putain, moi, je suis chez nous, je suis à Montréal, t'es à l'autre bout de Montréal, je vais t'envoyer un colis, je prends mon expédition, mon application Expedigo, il y a un gars qui vient chez nous, je donne le colis, il arrive chez vous, tu signes, je reçois un texto, ton colis est rendu. On lui souhaite, lui. Absolument. De devenir millionnaire. Absolument. Puis, c'est une très belle idée. Moi, je fais pas partie des gens qui sont jaloux de ceux qui font de l'argent ou qui réussissent dans la vie. C'est très, très québécois, ça, comme on réaction. On avait parlé d'ailleurs quand on avait reçu Marc Lessard, alias Bugarici. Oui, absolument. Ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, toutes ces applications-là aujourd'hui, je m'en sers, Uber, puis ces affaires-là. Puis je sais que il y a beaucoup de monde qui ont je sais, mais là, les... Uber, là, c'est plus rapide, c'est moins cher, puis c'est un meilleur service. Majoritairement dans le centre-ville de Montréal, particulièrement que les compagnies de taxi qui sont là. Des petites localités alentours, jamais. J'ai pris le taxi souvent dans les cantons de l'Est, dans plein de places. Le service, il est centralisé. Les gens sont fins. Les gens, c'est encore un service de proximité. Tu sais, moi, Uber est venu répondre à un besoin. Moi, sur mon téléphone, déposer un chèque avec mon téléphone, c'est venu répondre à un besoin. C'est clair. Acheter du stock sur Internet, ça vient répondre à un besoin. C'est clair. Fait que tu sais, Netflix, j'ai ça chez nous, j'aime ça, j'en consomme. Puis, tu sais, il y a eu un gros débat dernièrement alentour de Netflix, puis des taxes, de tout ça. Moi, en dehors de tout ce débat-là, la seule affaire que je me dis, c'est que ça nous facilite la vie. Là. Entièrement d'accord avec toi. C'est simple au bout. C'est ça. Et le but, c'est de faciliter la vie. Puis, on a la vie pas mal plus facile qu'il y en a. Puis, on n'a jamais de temps. Non, jamais. On n'a jamais été aussi occupé que ça. Ah ouais. Tu voulais te parler aussi parce qu'on utilise mal l'application Agenda. Oui, on ne sait pas comment ça marche. Mais as-tu remarqué, aujourd'hui, mettons, je te nomme des personnes, connais-tu leur numéro de téléphone? Numéro de téléphone, mettons, de ton meilleur chum. Non, je ne connais pas de numéro de téléphone. C'est ça aujourd'hui. C'est de la misère. Je pense que je connais juste celui de ma grand-mère par cœur, c'est tout. Écoute, les chemins... Avec les GPS aujourd'hui, c'est un automatisme. Mais ça, c'est GPS, puis tu suis ça. Avant, c'était instinctif. Mon père, moi, était représentant des ventes pendant 38 ans dans le centre-ville de Montréal. J'y demandais, pas le 23-21 Saint-Laurent. Ça, c'est au coin de Intel, puis Intel, il y a une bâtisse rouge. Tu sais, on est vraiment. On a accès à plus de technologies que jamais avant, mais on sait de moins en moins d'affaires. On connaît de moins en moins d'affaires. C'est clair, ça n'a pas de sens. Tu voulais nous parler des Easter eggs aussi? Ouais, bien vu qu'on parlait de technologie, je voulais aller ailleurs que dans les applications. Ouais. Parce que c'est pas mal souvent ça qu'on parle, puis c'est ça qu'on va parler tantôt avec notre invité qui se nomme... Jordan Archidov-Foss. Bravo. Les Easter eggs, Max, c'est pas dur, c'est parti. C'est des choses cachées, souvent dans les jeux vidéo. Tu peux en trouver dans sur des sites web, mais moi, je veux m'attarder aux jeux vidéo. C'est super simple. C'est des trucs qui sont partis d'un problème dans le temps. Je vais t'expliquer, tu vas rire. OK? Tu sais, mettons des fois, mettons des choses cachées. Ah oui, tu sais, genre dans Mario Bros, là, mettons, tu trouvais un champignon caché. Puis là, ça te faisait grandir, puis tout. Ça, c'est pas un Easter egg. Okay. Ça, c'était juste quelque chose qu'il fallait que tu trouves. Un Easter egg, c'est quelque chose qui va, mettons, t'amener un son qui n'a pas rapport, une blague ou un crédit. OK. OK? C'était parti dans le temps. C'est des créateurs de jeux vidéo qui en voulaient un peu à Atari parce que Atari, il n'y a pas de générique au début. Il ne faisait pas de générique des jeux vidéo. Il dit, vous ne respectez pas le travail des créateurs du jeu vidéo. Fait que le gars, il s'appelle Warren Robinette. Tu vois que j'ai de la misère, OK? Puis lui, il a fait un des premiers Easter eggs populaires. Et dans le jeu, comment ça s'appelait? Le jeu s'appelait Adventure. Okay. C'est aussi simple que ça. Tu déplaçais un moment donné un carré, puis ça écrivait « Created by Warren Robinette ». C'est lui, il a dit « Atari veut pas, fait que je vais me cacher dans le jeu vidéo ». Puis depuis ce temps-là, il y en a plein de cachés, puis il y en a qui vont juste faire rire les gens. Puis là, les geeks ou les gens sur Twitch n'en trouvent. Mais moi, un de mes préférés, c'est un jeu que tu as sûrement joué, Max, parce que c'est sorti quand on était adolescent, c'est le jeu NBA Jam. Oui. Bon, dans le jeu NBA Jam, moi, j'ai jamais réussi, OK, mais dans le menu du début, tu vas le faire défiler d'une certaine façon. Puis au lieu de jouer avec les joueurs normaux de la NBA au basketball, parce que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi NBA Jam, c'est un jeu de basketball, c'était du 2 contre 2, ça allait vite. Oh, oui. Bon, mais il y avait une façon que je ne sais pas, que tu pouvais jouer avec d'autres mondes, que les joueurs. Attends, tu pouvais jouer avec Bill Clinton, puis Al Gore dans la même équipe. L'ancien VP de Clinton. Exactement. Puis, tu peux jouer avec des membres des Beastie Boys. Parce que c'était le groupe préféré des programmeurs ben ouais. du jeu NBA Jam. Mais tu sais, il y a un paquet de jeux vidéo, le retournant en enfance, où est-ce que là, on allait sur Internet, on allait trouver des cheat codes, puis là, on rentrait ça. Moi, j'ai la fois que je me suis rendu compte qu'on pouvait jouer à NHL avec des bonhommes avec des grosses têtes, là, ah, là, on a ri. Puis là, comme dans le... on a joué chez vous au dernier NHL, on peut jouer avec des mascottes. Ouais, c'est vrai. C'est cave. C'est quand on est chez Dano, on joue à NHL, on s'assoit, on joue à NHL. Puis là, on avait genre la mascotte Youpi contre je sais pas qui. Moi, ça me fascine où on a amené cette technologie-là, puis de voir justement à ce moment-là qu'on pensait déjà à ces trucs-là. J'avoue, c'est drôle parce que c'était parti d'un mini-besoin. Un mini-besoin, le gars, il s'est dit « Hey, moi, je veux mon nom au générique. Ouais. Je veux que les gens... » Tu sais, j'ai travaillé des heures et des heures. C'est normal. Hey, l'autre jour, j'ai regardé un documentaire, malheureusement, je me souviens plus le nom, des créateurs montréalais de jeux vidéo. Ils peuvent travailler pendant un an de temps sur un jeu vidéo. Puis, tu sais, on parle de technologie, là. Ouais. Ubisoft, ils ont pignon sur rue à Montréal. Ils viennent d'ouvrir une filiale à Saguenay. Microsoft ont des bureaux à Montréal. Google ont des bureaux à Montréal. Tu sais, l'expertise québécoise et pour le jeu vidéo, la technologie à Montréal... Là, on n'est pas loin du top de la liste. Là. On n'a pas à rougir pantoute. Puis ça, pas du tout. Faut le saluer parce qu'on a mis sur pied, à travers le temps, beaucoup de bonnes compagnies, de belles technologies, des applications. C'est malade mental ce qui est sorti dernièrement. Tu sais, Expedigo, on va en parler avec Jordan tantôt, là, mais ouais. Imagine, là on le reçoit, on en parle aujourd'hui, là, fin 2017, début 2018. Ouais. Imagine, dans 10 ans, on reparle à ce gars-là, puis il est dans 60 pays. Ouais, ouais, ouais. Ben, j'y souhaite. En fait, moi, je suis convaincu que si les gars sont bien drillés, là, ben, je veux y poser des questions tantôt. Là. Ben, ouais. Je vais le challenger, justement. Nano, c'est l'enquêteur des deux. Ah, non, mais en fait, je veux savoir si est... Moi, je suis un grand fan de l'émission Dans l'œil du dragon. En tout cas, je ne veux pas vous en dire plus, mais j'ai préparé des questions spéciales pour lui. Mais moi, j'aime ça Dans l'œil du dragon aussi parce que, tu sais, il y a ce besoin-là aujourd'hui de se réaliser soi-même, d'avoir soi-même ses projets, de ne plus avoir de patron, de réaliser ses rêves. Puis dans l'œil du dragon, là, des fois, là, t'as l'idée, mais pas la façon de le faire. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, quand Alexandre Taillefer demande ton plan d'affaires. Ben, ou tu sais, des valorisations qui font pas de bon sens. Ouais. On demande 2 millions pour 12% de la compagnie, OK? T'as vendu pour combien l'an passé? 42 000. Ouais. Non, ça me paraît mauvais. Oui, absolument. Fait qu'on va parler de tout ça avec notre invité tantôt, Jordan Archinov-Foss. En terminant, juste pour clore un peu sur le sujet de la technologie, je suis tombé sur un article qui m'a beaucoup fait rire dans le Journal de Montréal. Puis je voulais juste terminer avec ça. On parle du nombre d'utilisateurs puis comment on est en train de le segmenter. Tu sais, évidemment, Facebook, Instagram, Twitter, c'est ultra populaire. Ouais. Mais là, les chiffres démontrent que depuis le début de l'année 2017, Facebook doit retourner en campagne de séduction pour aller chercher les jeunes, les 18-34, parce que semble-t-il que cette frange-là est toute en train de migrer vers Instagram, qui appartient aussi à Facebook. Ouais, c'est ça. Mais on va pas pleurer. Non, mais Facebook doit quand même convaincre ces gens-là de demeurer sur Facebook, parce que semble-t-il que les gens ont des comptes Facebook, mais les alimentent plus autant qu'avant, puis que là, c'est sur Instagram que ça se passe. Puis là, il y a même des gens qui disent « Facebook pour les vieux Facebook ». Ah ouais, hein, t'imagines ça? C'est fou, moi j'ai l'impression que ça fait genre 3 ans qu'on est là-dessus. Là. Ah, c'est drôle, c'est rendu pour les vieux. C'est un réseau social. En fait, le problème, c'est que leurs parents sont rendus sur Facebook. Ah, c'est ça le problème. Ça, là, c'est quand ta mère ou ton grand-père t'a fait une demande d'amis Facebook, il colle. Ah. Mais que ma mère soit sur Instagram, là, m'a comprendre le message. J'ai hâte, tu sais, imagine, on y passe, là, nos parents sur Instagram, ils mettent quel genre de photos? Ouais. Ah, ça me fait toujours rire. Du pain à la viande. Ouais. On reçoit Jordan Archinov-Foss dans les prochaines minutes. Pâté chinois. On va... Oui, ça, c'est mon pâté chinois. Mon père qui fait ça. Ah ouais? Mon père, sur Facebook, il met ses photos de quand il va à camping. Ah ouais? Okay. Ah. On en reparlera. On en reparlera, mais parce que, tu sais, il est tout le temps posé de la même façon. Puis c'est drôle. C'est juste... Il a son pattern. C'est cute, à la limite, là. Okay. Puis là, il y a ces gens qui commentent « Hop, c'est le fun, puis bon week-end, puis amusez-vous. » Mais ça, c'est un autre dossier. On salue les parents qui sont sur les nouvelles technologies. C'est toujours bien, bien comique. Fait qu'on reçoit Jordan Archinov-Foss dans les prochaines minutes. On va parler avec lui de tout ça, de nouvelles technologies. Il y a bien des choses qu'on veut lui demander, comme Dano disait. Puis surtout, moi, je veux savoir, partir une application en 2017, c'est de la job, c'est du temps. Ça représente quoi, tu sais, pour eux autres en termes de tu te jettes dans ce projet-là, c'est quoi les aspirations? On va vous expliquer un peu c'est quoi Expedigo, par rapport à la technologie d'aujourd'hui. Ça va être bien intéressant. Salutations à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Où vous êtes au Québec, on joue dans plein d'endroits et on est bien privilégiés. Sur le web, on suit la technologie. Absolument, sur affaires-de-gars.com, il y a plein d'articles qui sont vraiment intéressants. Salut à Silvio et toute l'équipe d'Affaires de gars. Tout le temps un plaisir de collaborer avec eux autres. On s'arrête quelques instants, on revient dans 5-6 minutes. Vous êtes sur Affaires de gars avec Max Lalonde et Étienne Danneau. Affaires de gars te revient dans quelques instants. Reste là, tu peux pas manquer ça. Le show de radio. Voici Max Lalonde et Étienne Danneau. De retour à l'émission Affaires de gars, merci beaucoup de prendre du temps pour nous écouter. Merci d'être là avec nous autres. On parle nouvelle technologie aujourd'hui. Ça nous passionne parce que Étienne et moi, on est accro à notre téléphone, on a notre besoin pour la job, c'est important. On est quasiment maladif. Oui, ça en est maladif un peu. On est des bons consommateurs de technologie, je pense. Ouais. On en a parlé dans la première demi-heure. Et pour en parler avec nous autres, justement, de cette mode-là, depuis début 2010 à peu près, les applications, le mobile est devenu vraiment, vraiment très, très fort. Il est cofondateur de l'application Expedigo, Jordan Archinov-Foss. Jordan, salut. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant même de partir et de parler de technologie, tout ça, je veux qu'on parle d'Expedigo parce que je trouve ça merveilleux. C'est une application qu'on peut comparer un peu à Uber, mais vraiment pour la livraison de colis. Effectivement. La compagnie a été fondée en novembre 2016, donc c'est quand même assez récent. Okay. Mais on a utilisé finalement une espèce de merge de deux sets de connaissances, autant okay. les miennes que les ceux de mon cofondateur. Donc moi, j'ai de l'expérience en logistique distribution. Mon cofondateur, c'est dans le milieu de la TI. Okay. On a regroupé nos forces pour créer finalement un produit qui est à la fine pointe de la technologie, Expedigo, le Uber, entre guillemets, de la livraison de colis en centre urbain. Pour les gens qui ne seraient pas trop au courant, c'est quoi en TI? Technologie informatique. Ouais. Technologie informatique. Fait que tu as un partner en technologie informatique. Toi, tu étais spécialisé en wrapping, emballage, logistique, distribution, emballage industriel, etc. OK, parfait. Fait que vous avez mis vos forces ensemble. Puis, comment, avant de parler de l'application, ça m'intrigue, comment vous en êtes venu à vous rencontrer? Est-ce que vous étiez des amis ou... Ben, en fait, c'est une super bonne question. Ça se donne que mon cofondateur, c'est aussi mon beau-frère. Okay. Donc, pendant plusieurs années, on s'échangeait des idées de business. Les deux, on est des grands consommateurs de produits à travers des applications mobiles ou à travers le web aussi. Par exemple, on commande beaucoup de produits sur Amazon. Puis, on voyait là, qu'il y avait un besoin pour une livraison ultra rapide en centre urbain. Puis, c'est en parlant de ça qu'on a décidé de créer Expedigo. Autant au niveau conceptuel qu'au niveau compagnie. Parce que Expedigo, c'est une application qui permet à des particuliers et à des entreprises de livrer des colis rapidement. Absolument. Absolument. Donc, comment vous fonctionnez, mettons, si on le vulgarise un peu? Bien, moi, exemple, je suis propriétaire d'une boutique Etsy. Je veux offrir un service ultra rapide à mes clients. Donc, je vais en ligne, je télécharge l'application mobile Expedigo à travers l'App Store ou Google Play. L'application est gratuite. Je la télécharge dans mon téléphone. Okay. Ça prend environ 20 secondes à créer un compte, 15 secondes pour envoyer un colis. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, il y a un livreur qui vient chercher ça. Et effectivement. Okay. Nous, on a environ 40 livreurs qui sont prêts, disponibles sur l'île de Montréal actuellement. Donc, aussitôt qu'un colis est posté dans l'application, tous les livreurs reçoivent un texto. C'est premier arrivé, premier servi dans l'application. Et puis, nous, on a des algorithmes d'optimisation de route qui font que le livreur le plus proche, c'est lui qui ramasse le colis. Il ramasse directement chez vous, directement à votre porte, puis il livre directement à la porte. Où... Vous voulez l'envoyer. Exactement. Et est-ce qu'il y a une forme de preuve, un peu une signature, un truc comme ça, comme avec Post Canada? Oui, effectivement. Nous, on a différentes options de livraison, dont récipiendaire présent. Donc, la personne qui reçoit le colis peut signer avec son doigt là, à l'intérieur même de l'application. OK. C'est vraiment très cool. Exemple, mettons, moi, je suis sur le plateau Mont-Royal, j'ai un café, j'ai oublié de donner un document à Dano qui est chez lui à Verdun, mettons. Je prends Expedigo, on vient au café où je suis, je donne les papiers, il part, je reçois un texto que ça me dit « c'est beau, il a reçu le document. Je veux juste dire que c'est un exemple et que je reste pas à Verdun. Mais oui, l'exemple est parfait. Puis juste pour une petite histoire un peu drôle, comme je vous ai dit, on a des propriétaires de boutiques Etsy, donc des gens là, qui font des créations artisanales, qui nous utilisent pour différentes raisons, tant au niveau d'expédition, donc eux, ils expédient leurs produits chez leurs clients, mais il y en a aussi qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient se faire livrer même les matériaux qu'ils utilisent pour faire leur création. OK. Je pense qu'on a des gens qui sortent plus de chez eux depuis qu'ils nous utilisent. Mais là, tu parles beaucoup d'Etsy, mais moi, je sais pas, moi, je suis fleuriste, puis il y a beaucoup de monde qui m'a demandé des livraisons, puis mon livreur m'a lâché. Je peux-tu embarquer avec ton application ou faut absolument que j'ai une boutique Etsy? Absolument. C'est vraiment ouvert à n'importe qui. Okay. Donc, tant au niveau là, du particulier qui veut se faire livrer des choses ou veut faire livrer des choses, que, exemple, on fait aussi affaire avec des grosses corporations, des compagnies d'assurance qui ont besoin d'envoyer des cautionnements ultra rapides, qui ont besoin de la preuve électronique de signature. Okay. Au niveau des prix, ça ressemble à quoi, mettons? On est super, super compétitif. Okay. Donc, on se compare là, facilement à tous les services de livraison locale qui existent déjà. Même nous, notre service, les gens nous comparent souvent, disent « Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un service ultra rapide? Je suis-tu prêt à payer ça? » Pour nous autres, le service ultra rapide, c'est notre service standard. Donc, au niveau des prix, on se compare, exemple, à un service 24 heures de Poste Canada. Mais nous, c'est en parce que dans la vie de tous les jours, mettons, le livreur de Poste Canada vient le ramasser ou tu le déposes à un bureau de Poste Canada, il part pas avant le lendemain selon les horaires qu'eux ont, dans le fond. C'est exactement. Okay. Fait que vous avez des prix que vous avez fixés vous-même. Oui, ben on a des algorithmes qui calculent les prix. OK, c'est pas... Parce que si, mettons, on se fie à Uber, parce que là, depuis le début, on le compare beaucoup à Uber, c'est pas genre le livreur qui décide comment ça va coûter à le porter. Non, c'est pas non, ça. Non, exactement. Fait qu'admettons, là, il y a beaucoup de trafic, là, c'est le même prix que s'il n'y a pas eu beaucoup de trafic. Exactement. OK, parfait. Puis comment je fais, moi, si je veux devenir livreur? Ben vous vous inscrivez par notre plateforme web. Okay. Et puis après ça, on s'est dit une rencontre avec vous. Tous nos livreurs, c'est des travailleurs autonomes, des partenaires de livraison. On s'est dit une rencontre avec vous, question de se rencontrer, d'expliquer un petit peu c'est quoi le modèle de service d'Expedigo puis c'est quoi les attentes aussi de nos clients. Et puis, par la suite, il y a une vérification d'antécédents qui est faite. Pas le choix. Après ça, absolument, la sécurité avant tout. Est-ce que vous vérifiez la qualité des véhicules aussi ou... Pas tant au niveau des véhicules. Okay. On s'entend là, qu'il faut avoir un certain standard. Comme on explique à tous les partenaires de livraison, vous vous représentez, mais vous êtes quand même sous la bannière Expedigo. Okay. Donc, c'est quand même important là, d'offrir niveau de service auquel les clients s'attendent. Puis, en tant que client, moi, j'ai l'opportunité de noter mon expérience. Donc, c'est un système là, d'étoiles, 1 à 5, 5 étoiles, tout est beau, j'ai adoré mon service. Et là, vous êtes dans les débuts de l'expérience Expedigo, ça va grossir, vous allez prendre le marché de plus en plus d'année en année. Présentement, les livreurs font des sous avec ça, c'est pour ça qu'ils reviennent. Exactement, exactement. Okay. Je peux dire, c'est intéressant parce que nous, quand on regarde les groupes d'usagers, on parle des livreurs, on parle aussi des clients. C'est comme les deux groupes d'usagers qui utilisent Expedigo. Au niveau des livreurs, les livreurs nous réutilisent parce que pour eux, justement, c'est une façon d'arrondir leur fin de mois, de faire un petit peu plus de sous. On a aussi des livreurs qui sont des chauffeurs Uber, donc ils ont les deux applications mobiles qui roulent dans leur véhicule. Ils peuvent faire les deux. Wow, OK. Puis au niveau des clients, je suis très fier de dire que les clients qui nous utilisent nous réutilisent. Donc, il y a un niveau de satisfaction puis d'appréciation du service qu'on emmène qui est très, très élevé, là. Fait que là, moi, si je suis un consommateur, l'application ne me coûte rien. Exactement. À base, ça va juste me coûter de quoi si je fais une livraison. Exactement. Puis vous pouvez même vérifier les prix à l'intérieur de l'application même. Avant là, de faire envoyer. Oui, oui. Vous savez exactement c'est quoi votre prix. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surcharge de carburant. Il n'y a pas d'échange d'argent, tout se passe dans le téléphone, carte de crédit. Puis... Oui, très bonne question. Il n'y a aucune monnaie là, qui s'échange. Si vous voulez laisser un pourboire au livreur, c'est à votre discrétion. Exactement, mais il n'y a pas d'attente. Là, pour. Puis là, est-ce que le poids du colis influence dans le prix? Très, très, très peu. Très, très, très peu. Quand je dis que ça prend environ 15 secondes pour envoyer un colis, c'est réellement 15 secondes. On choisit une taille, mais c'est simple, c'est petit, moyen ou grand. On choisit un poids, moins de 10 livres, 10 à 30, 30 plus, puis on expédie. C'est vraiment fascinant parce qu'on est rendu là. Puis je me rappelle, Jordan, la première fois que tu m'as parlé de l'application, je trouvais ça ingénieux pour une ville comme Montréal où les gens veulent s'envoyer des trucs rapidement. Mais maintenant, dans des villes comme Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, on va en avoir des besoins, Valleyfield. Tout le monde dans son modèle d'affaires, dans sa business, où veut envoyer des trucs, c'est pour le futur, c'est quoi qui ça ne peut qu'exploser et devenir encore plus gros, là. C'est d'actualité. Les attentes des gens au niveau du service est de plus en plus élevée. Les gens veulent avoir leurs produits plus rapidement. Le just in time, c'est très, très, très tendance, on s'entend. Les géants comme Amazon, ils l'ont compris. Ouais. Amazon Prime, livraison en 24 heures. Les gens, moi-même, je suis un grand consommateur de produits Amazon, puis j'adore ça, recevoir mon produit à la porte le lendemain. Mais imaginez si on pouvait recevoir notre produit Amazon en 2 à 3 heures en centre urbain. Là, c'est un nouveau niveau de service. Là. Moi, je suis un grand fan de l'émission Dans l'œil du dragon. Ouais. Tu es un jeune entrepreneur. J'ai une question que plusieurs dragons poseraient, parce que je connais pas ce milieu-là. As-tu ton plan d'affaires? Non. Non, parce qu'il y a des dragons qui s'en foutent du plan d'affaires. Oui, non, moi, c'est est-ce qu'il existe quelque chose sur le marché sans sensiblement la même chose que vous autres? Ta compétition, c'est quoi, à présent? Ouais, mettons, genre, côté application, là. Je parle pas de Post-Canada ou de FedEx, là. Il n'en existe pas en ce moment. Non, OK. Vous êtes les premiers à avoir pensé à ça. Au Canada, dans le monde? Effectivement. Dans le monde, il y a des produits qui sont semblables. On peut parler de Uber Rush aux États-Unis. On peut parler de Postmates. On peut parler d'une compagnie qui... La compagnie qui nous ressemble le plus s'appelle Stewart. En ce moment, ils sont en train de croître d'une façon exponentielle. Sont-ils au Québec? Ils sont en Europe. En Europe, ils ne sont pas encore au Québec. Au Canada. Puis eux sont spécialisés vraiment dans tout ce qui est coursier à vélo. Puis ça, c'est un modèle d'affaires qui marche très bien là, dans une ville qui est condensée, exemple, comme la France ou comme Londres. Okay. Et pour Montréal, mettons, Expedigo peut livrer combien de colis dans une bonne journée? En fait, il n'y a pas vraiment de limite, puisque notre modèle est exponentiel. Ouais. C'est une application mobile, puis nos partenaires de livraison se connectent selon leur disponibilité. Mais mettons, votre meilleure journée de livraison, vous en avez fait combien, sais-tu? Ah, c'est pas difficile pour nous autres d'aller chercher 500-600 colis dans une journée. Là. Aïe aïe! Aïe, wow! Avec 40 livreurs. Oui, effectivement. Une quarantaine de livreurs, parce que c'est... OK, wow! C'est vraiment à cause de la puissance des algorithmes d'optimisation de route. Faut pas oublier, Expedigo, c'est avant tout une plateforme technologique. Donc, une plateforme, technologique. Ouais. Puis, qui est faite pour gérer des colis de masse. Donc, un livreur qui passe proche d'un client qui vient d'envoyer son colis, tout de suite, le colis lui est attribué, puis les routes sont recalculées de façon dynamique en temps réel. Toujours en pensant... C'est sûr qu'il en ramasse un deuxième, là. C'est ça que tu es en train de dire. Beaucoup plus que ça. Oui. Non, mais en s'en allant le livrer, il peut arrêter à d'autres compagnies, c'est ça que tu dis? Toujours. Ah ouais, okay. C'est vraiment bien fait. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, ouais. Vraiment une bonne idée. Ouais, moi, je trouve vraiment que... Mais on est rendu là et... tu sais, on a parlé un peu tantôt de l'influence, de comment ça s'est arrivé, mais là, de le voir se concrétiser, puis de voir que ça fonctionne, que ça marche, il y a une fierté qui doit être épouvantable, qui doit découler de ça. Là. C'est, comment je pourrais dire, c'est comme, j'imagine, voir ton enfant prendre ses premiers pas. Ouais. La première fois qu'on s'en était parlé, on était à Sherbrooke, on faisait nos tests. On a lancé à Montréal début de l'été là, 2017. Okay. On voit une croissance à chaque semaine, à chaque jour. C'est ça, c'est comme voir son enfant prendre ses premiers pas, apprendre à dire ses premiers mots. Startup, c'est ça le début d'un startup. Mais on est là-dedans aujourd'hui, alors vas-y. J'ai plein de questions, excuse-moi. Non, mais j'aime ça au bout. Moi, j'étais un vieux, là, un peu plus conservateur, là, puis j'ai jamais fait affaire avec ça. Là, puis moi, les internets, là, ça me dépasse un peu. Premièrement, c'est user-friendly, c'est facile d'accès. Puis mon autre question, c'est, mettons, j'ai un colis fragile. Qu'est-ce qui me garantit qu'il va être correct à la fin? Bien, un peu comme je disais tantôt, tous nos livreurs, quand on les rencontre, on leur explique c'est quoi le modèle de service. Eux, ils comprennent que c'est des colis qu'ils livrent. Donc, ils doivent faire attention à la marchandise qu'ils prennent en charge. Puis, nous, notre slogan, c'est un peu, on est, exemple face à un client, on est votre extension. Donc, nous, on comprend, du point de vue clientèle, les clients, ils font tout pour offrir le meilleur service possible à leurs clients. Donc, nous, on comprend que la livraison, c'est la dernière étape dans leur service. Donc, il faut absolument qu'on représente le même niveau de service qu'eux voudraient offrir à leurs clients directement. Okay. Toutes nos transactions sont géolocalisées, toutes nos transactions sont enregistrées. On sait exactement où que nos livreurs sont en cours de route. On est capable de retourner sur une transaction. Puis un petit peu au niveau de la sécurité, il est important de dire aussi qu'on a une assurance, nous autres, jusqu'à 5 000 $ là, sur tous les colis qui sont en transit. Okay. Fait que si, par hasard, je livre de quoi de hyper fragile, ça arrive une bad luck à n'importe qui, ça peut arriver à un livreur, il brise, toi, tu as une assurance, mon colis valait 1 000, tu vas me le rembourser. Exactement. C'est vraiment bien fait. Ouais. C'est une question un peu plus légale, dans la mesure où, tu sais, Uber, quand ils sont arrivés à Montréal, ça a beaucoup fait jaser. L'industrie du taxi, qui est une industrie qui a besoin de changement, qui a besoin de s'arrimer au goût du jour, ouais. a vécu le clash de « OK, on a un modèle d'affaires planétaire qui est sur une application. » Est-ce que, au même titre que Uber, ont eu des problèmes avec le gouvernement et les chauffeurs de taxi, votre application pourrait avoir des problèmes avec des systèmes postaux qui sont plus normaux ou plus génériques, ou vous êtes comme dans un freebie un peu de au niveau de la loi? Oui, en fait, c'est une bonne question. Quand on regarde l'industrie du taxi, traditionnellement, l'industrie du taxi, c'est une industrie qui est ultra réglementée. Il faut acheter les permis qui sont très dispendieux. Ben oui. faut faire partie d'une... Mais c'est comme ça depuis les années 70, on ne l'a jamais changé. Ben, c'est ça, exactement. Exactement. Puis Uber est comme arrivé, un peu défaite ces structures-là, a tout changé. L'industrie de la livraison, c'est très différent. On a juste à regarder un peu là, les routes, voir combien de compagnies de livraison qui existent actuellement, disons juste à Montréal. Là. On peut parler autant là, de Post-Canada qu'on peut parler des gros comme FedEx, UPS, Puro Later, que, exemple, Globex, Same Day Right Away, Dicom, où on peut même parler de Bob qui s'achète un camion qui décide lui-même de faire de la livraison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est beaucoup plus ouvert à la compétition, l'industrie de la livraison, que l'industrie du taxi. Le bémol de dire que Expedigo, c'est le Uber de la livraison de colis, je dirais que c'est un peu pour conceptualiser le modèle. Oui, pour que les gens comprennent. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est ça, exactement. C'est quand même deux industries qui sont à part. Là. Si c'était le Uber, en partant, il n'y aurait pas des prix fixes, puis tu n'auras pas des livreurs qui ont suivi une... Parce que si t'étais le Uber, c'est le livreur qui déciderait du prix qui décide. Mais Uber, c'est la route qui décide du prix, en fait. Uber, tu vas faire... Moi, je me sers de Uber souvent. Mais il y a souvent. Des Uber qui décident pas du prix. Ben, je pense pas. Il y a de la majoration quand la demande est forte. C'est ça cette affaire-là. Okay. Ouais, en fait, c'est ça. Je comprends. Ça avait été dans le journal à un moment donné, dans le temps des fêtes, genre le 31 décembre, quand t'as 100 voitures disponibles, t'as 400 personnes qui veulent prendre un Uber, ben là, l'application te le demande trois fois. Puis c'est pour ça que j'avais trouvé ça un peu imbécile, les gens qui s'étaient plaints de monter 300$ faire 3 km. Oui, mais Uber te demande trois fois. C'est 2,7 fois les prix. T'es-tu sûr? Oui, parfait. On vous envoie la facture. C'est 2,7 fois les prix. Êtes-vous sûr? Oui, tu cliques trois fois dessus avant de te rendre là. Fait que, tu sais, de servir du mobile et de la technologie, ça réduit les marges d'erreur énormément. Là. Mm-hmm. C'est des beaux modèles d'affaires. Puis, tu sais, au niveau application, pour la vie en général qu'on mène aujourd'hui, tout est plus simple avec ça. Ouais. Tu sais, maintenant, là, on s'achète des voyages sur Internet, on s'achète du linge sur Internet. Quand tu tombes dans une compagnie que t'aimes et tu connais tes grandeurs, tu parlais d'Amazon, moi, il y a une compagnie que j'aime beaucoup, je m'achète du linge sur Internet, c'est livré chez nous parce que j'ai plus le goût d'aller dans les magasins. J'ai plus le goût de me taper ça, le stationnement, la foule, le monde, ces affaires-là. Puis je sais qu'il y a encore des gens qui essayent de combattre ça, mais en 2017, on est rendu là. On est rendu dans ce genre de format, de module d'affaires-là, de modèle d'affaires-là. Ça m'amène à une question, Max, que tu dis pour Jordan. Étant donné que la technologie va vite, puis tu sembles être un entrepreneur qui voit grand dans le futur, tu vois où ton application dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est une bonne question. Justement, ça va tellement vite. En année technologique, 5 ans, ça représente. Mais mettons, l'année prochaine, mettons. Ben, t'aimerais-tu sortir de Montréal? Définitivement. Il y a comme... deux volets un petit peu, là, si on parle au niveau de géographie. Encore là, Expedigo, plateforme technologique, donc facilement, on peut facilement ouvrir une autre zone de service, exemple, Toronto. Tu débarques à Toronto, tu fais des auditions pour des chauffeurs. Mais... Et c'est pas même plus compliqué que Québec, ça. Là, Québec aussi. Québec. Exactement. Mmh. Puis nous, notre objectif, ça serait justement de s'établir dans d'autres villes, ça c'est certain, et puis de connecter les villes entre eux. Donc ça pourrait être très intéressant. Oh, OK. Wow, OK. Bonne idée. Effectivement. Il y a beaucoup de... En même temps, on optimise un petit peu là, la route des gens. Donc moi, disons que je fais souvent du Montréal-Toronto. Ouais. Actuellement, je vais du point A au point B. Je dépense mon essence. Tu payes ton gaz anyway. Tu le paierais anyway. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. Fait que là, avec Expedigo, ben, ça pourrait t'aider à faire sauver du cash. Parce qu'anyway, tu vois, quand même, tu ferais 2-3 détours rendus là-bas. Ça t'a coûté, je sais pas, moi, 100$ de gaz d'y aller. C'est sûr. Si Expedigo te fait sauver la moitié du gaz, mais t'es gagnant. Exactement. Mais tu sais, dans le monde technologique d'aujourd'hui, là, on a tellement d'affaires au bout de nos doigts. À part Expedigo, là, quelle application d'aujourd'hui, mettons, te fascine, puis tu te dis waouh, ça c'est vraiment bien fait, j'aurais aimé savoir cette idée-là. Ou une qui est indispensable, là, que tu peux pas te passer, là, outre les Twitter et les médias sociaux de ce monde. Ben, on va se le dire. Moi, ma conjointe actuelle, je l'ai rencontrée sur Tinder. Donc en vrai? Ah ouais! Absolument. C'est drôle, ça. Absolument. Fait donc, que une couple de rendez-vous grâce à Tinder. Pas beaucoup. J'ai tombé sur la bonne assez rapidement. Okay. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ah, c'est cool. Fait que Tinder, ça marche. Ouais, ben Tinder, oui. Mais là, t'es plus supposé d'utiliser Tinder. Ouais, non, non, non. Mon compte est délité. Ouais. Mon compte est... À part Tinder? Il n'existe plus. À part Tinder, y a-tu d'autres applications que... Ben, si on regarde, exemple, Google Maps ou Waze... Waze, c'est vraiment très cool. Une petite application mobile, gratuitement disponible, mais qui a un power exceptionnel, je veux dire, grâce à cette application-là, je suis capable de me promener dans n'importe quelle ville sans connaître la carte, sans savoir je suis où, puis me rendre du point A au point B. Puis savoir s'il y a des policiers aussi. Oui, Waze, oui, c'est ça. Parce que Waze, c'est genre, tu peux te... Mettons, t'es au Portugal, t'es à l'hôtel, t'as un Wi-Fi, tu peux télécharger le chemin que tu veux faire, puis partir avec ton chemin hors connexion. Puis ça, c'est merveilleux, parce que des fois, quand t'es un touriste, tu vas pas tout le temps payer des données en Europe. Le 3G, mais non, c'est ça. Puis ça vaut la peine, mais justement... On est rendu là, puis c'est le fun de voir des applications sortir d'ici du Québec. Puis il y en a plusieurs des entrepreneurs du Québec qui font les choses très, très bien présentement au niveau de la technologie. Tu sais, on parle de Martin-Luc Archambault, tu parlais des Dragons tantôt, c'est un gars qui a tout le temps un pied dans la technologie au niveau de la musique. Mais Expedigo, ça va grossir, ça va devenir de plus en plus gros. Vous allez ramasser de la business dans de plus en plus de villes. Puis, ultimement, tous ceux qui sont contre, à un moment donné, la technologie n'auront pas le choix de s'arrimer parce qu'on s'en va là. Ouais. Bien, la minute que la livraison ultra rapide, là, la minute que la livraison en moins de 4 heures devient une attente des clients, les gens n'auront pas le choix d'aller vers ça. Ouais. Les gens qui, aujourd'hui, voient le concept d'Expedigo puis disent « Moi, je veux l'essayer, je vois ça comme un outil compétitif, je vois ça comme un avantage compétitif pour mon entreprise, donc je veux utiliser ce service-là », on peut-tu dire qu'ils sont un peu avant-gardistes, un peu les premiers surfeurs sur la vague? Oui. Peut-être, mais définitivement, avec l'avènement du commerce électronique, avec les applications mobiles, avec le smartphone, ma petite nièce là, qui a même pas un an, elle déjà, elle comprend comment faire fonctionner un smartphone, puis elle parle pas. Ouais. Ça sera pas long que pour elle, sa vie, ça va être des applications mobiles. Ouais. Tout le commerce s'en va vers ça. Donc, ça mondialise beaucoup. On devient des citoyens du monde parce que Uber, tu peux t'en servir à Montréal, au Portugal, partout, puis c'est ton même compte, la même affaire. Moi, c'est ça que je trouve fascinant d'où on est rendu aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. J'ai une autre question en rapport à l'utilité. Est-ce qu'il y a des heures? Y a-t-il des heures que c'est fermé? Ou moi, je travaille de nuit et j'ai besoin de tel outil? Intéressant, en ce moment, les heures de service, c'est vraiment selon la demande des clients. Donc, nous... Okay. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est, disons, 7h30 le matin jusqu'à 6h le soir parce que c'est ça que les clients veulent. Mm-hmm. Ouais. Mais déjà, j'ai des clients qui commencent à me demander « Est-ce que vous pouvez livrer en fin de semaine? Est-ce que vous pouvez livrer le soir? » Puis j'ai des livreurs qui me disent « Hey, moi, je suis disponible de soir. Moi, je suis disponible de fin de semaine. » Donc, c'est vraiment une question d'offre puis de demande. Puis je pourrais dire que Expedigo, essentiellement, c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais ça va le devenir. C'est quand vous allez avoir... Parce que là, on parle de 40 livreurs présentement. Mais la journée que la flotte va être de 200, 300, 400 livreurs à Montréal, c'est sûr qu'il y en a qui sont des chauffeurs Uber, qui sont des chauffeurs, c'est Lyft aussi, qui s'en vient à Montréal bientôt, là, qui va prendre d'assaut Montréal, ça s'en vient. Ultimement, tout le monde va l'avoir. Fait qu'à un moment donné, ça va être, je vais porter deux personnes à telle place, je reviens, je vais porter un paquet à cette place-là, je vais faire ça. Puis c'est de l'argent à faire, puis on est un peu tout le monde dans cette... Tu sais, quand t'as un travail générique de bureau de 9 à 5, il y a beaucoup de monde qui se creuse la tête présentement qui se dit « Hey, comment je pourrais faire pour arrondir mes fins de mois? » Puis avant, il fallait que tu trouves une deuxième job. Aujourd'hui, avec les applications, il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Là. Ma première question, quand je rencontre un livreur, un partenaire de livraison, ma première question, c'est toujours la même. Pourquoi Expedigo? Puis je dirais que la réponse à 95% du temps, c'est... l'autonomie / indépendance. Moi, j'ai ça d'autre dans ma vie. J'ai un autre emploi, je suis étudiant, j'ai une famille, peu importe. J'aime le fait que je peux contrôler mes horaires. Puis, je veux dire, quand on parle de partenaires de livraison, quand je pense, puis j'ai des noms en tête là, de nos top livreurs, le niveau de souci, c'est comme si Expedigo, c'était leur compagnie. C'est incroyable. Les livreurs sont tellement souciants. Parce qu'ils sont de nos petites clients. PME. Eux autres, c'est leur petite entreprise à eux aussi. Exactement. Puis, En anglais, they really care. Là. Ouais. Ils veulent que ça réussisse. Sont avec nous là-dedans. C'est puis ils voient la possibilité de le développer puis de faire des sous avec ça éventuellement. Ah oui. Qu'est-ce qui, je suis curieux, mettons aujourd'hui en 2017 au niveau technologique, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Tu sais, que tu regardes puis tu fais, hey, Colin, OK, ça c'est hot. Bonne question. Je pense que c'est plusieurs technologies qui peuvent se rassembler dans une même plateforme pour créer quelque chose de nouveau. Exemple, la géolocalisation. Ouais. Le fait que tu peux avoir tout ce pouvoir-là entre tes mains dans une petite application qu'on télécharge qui regroupe tellement de fonctions, dont l'optimisation de route, géolocalisation, tout l'aspect graphique, l'aspect simplicité. Tout ça dans une petite application qu'on télécharge qui prend 30 secondes à télécharger. Hey, moi, en parlant de ça, Max, ouais. J'ai préparé un petit questionnaire technologique. Vas-y. Ça donne le choix entre un ou l'autre. Tu me dis pourquoi tu choisis okay. un ou l'autre. Ça te va? Oui. OK, je commence avec iPhone ou Samsung? Apple ou Samsung? J'ai un iPhone. Tu as okay. un iPhone? OK. OK, ouais. Parfait, merveilleux. Facebook ou Twitter? Facebook. Ouais, pourquoi? J'ai 36 ans, je suis plus habitué avec Facebook, c'est plus graphique, je suis plus capable de voir sur ma page les histoires. Twitter, je trouve que ça va vite des fois, ouais. Okay. Mais j'ai les deux. T'as les deux quand même? J'ai okay. les deux. OK, Instagram ou Snapchat? J'utilise pas vraiment, ni un ni l'autre. Okay. Okay. Ça pourrait être bon, par exemple, pour ta business. Ben, on a un compte Instagram. Ouais. Okay. J'ai plus tendance à suivre les autres, je dirais, okay, sur parfait. Instagram. OK, tu prends dans ton iPhone, tu prends plan ou tu prends Google Maps? Google Maps. Ouais, OK. Ou Waze. Waze? Ah oui, c'est vrai. OK, la Presse Plus ou J5? La Presse Plus. Ouais, OK, parfait. C'est bon, ça. Puis, tu prends-tu, à ta minute, je l'avais où, mon autre? Okay. La réponse, c'est Tinder, puis mon compte est délité. Ouais, c'est ça. Il est délité. Non, hey, à ta minute, tu prends-tu... Ah, je l'ai oublié. Je suis désolé. Application musicale, t'en utilises-tu? J'ai l'application de Apple, ouais. Mais j'ai aussi Google Play, par exemple. Ah oui, okay, c'était ça. Ouais. C'était là que je voulais m'en aller. Mais c'est quoi l'autre? J'ai oublié. Tu sais, l'autre qui est bien populaire. Spotify, c'est ça. Je t'ai demandé si tu prenais Google Play ou Spotify. Google Play. OK, ouais. Parfait. Moi, j'ai Spotify, mais là, je suis un peu déçu parce que moi, j'aime beaucoup Jay-Z, puis il a enlevé tous ses albums de là. Ah oui? Parce que lui, c'est parti Tidal, qui est son propre système de musique en ligne. Ah ouais? Puis il a appelé Spotify pour dire, ben là, moi, j'ai ma propre plateforme maintenant. Fait que vous pouvez voter mes albums. Puis là, l'autre jour, je voulais downloader les albums de Jay-Z, puis j'étais là, il y en a pas. Puis comment ça? Tu sais, il y a des albums des frères Tadros, il devait avoir du Jay-Z là-dessus. Là, je fouillais, puis là, en lisant, le gars s'est ouvert son propre système de musique en continu, ça s'appelle Tidal. C'est aux États-Unis, ça va super bien. Fait que tu sais, les possibilités sont infinies. Jordan, en terminant, si on veut devenir livreur, si on est intéressé, comment ça fonctionne? Donne-nous les infos qu'on peut se rejoindre. Ouais, vas-y. Deux façons. Télécharger l'application mobile gratuitement sur l'App Store et ou Google Play. Okay. Ou visiter notre site web en ligne, www.xpedigo.com, puis vous avez toutes les informations pour vous inscrire. Jordan Archinov, Foss, merci beaucoup d'être passé. On va aller télécharger ça. Moi, c'est déjà fait, Expedigo. Hey, il l'a déjà dit, on peut suivre l'application sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur LinkedIn. Oui, sur LinkedIn. Oui, c'est vrai, il l'a ici dans le document que Jordan nous a apporté. Absolument. Hey, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Monsieur Dano, merci beaucoup. Merci. Hey, moi, je vais juste dire en terminant, on a une bouteille de vin qu'on aimerait ça que tu fasses livrer. Pas de problème. Oui, à toi. On te la donne à toi. Merci beaucoup. C'est ton cadeau pour être passé. C'est le vin de Yernaud Trulli, le Nomen Omen, le vin Red Bull, des sélections de vin Christine Fréchette. On met ça à nos invités ici dans Faire la Gueule. C'est ça qu'on voulait que tu livres, mais on veut que tu te livres à toi. Je vais me livrer à moi-même. Tu l'enverras chez vous. Dano, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Max. À toi. Yes, c'était Affaires de gars. Bonne semaine. Soyez tranquille, tout le monde, affairesdegas.com pour plein d'articles bien cool. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Affaires de gars, le show de radio. C'était Max Lalonde et Étienne Dano. À la semaine prochaine. Tu veux jaser à Max Lalonde ou Étienne Dano? Rejoins-les sur Facebook. Hashtag ADG le show.